France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Un reportage vif, dans Paris, le Paris de 1949. Claude Darget en était le journaliste, micro en main. Il interrogeait à la volée celles et ceux qui venaient acheter ou vendre sur le marché. Un marché non quotidien, un marché un peu particulier. Il faut dire qu'après avoir été présentateur du journal télévisé, Claude Darget s'était retrouvé à traiter de sujets très pointus. La philatélie, tout d'abord, les animaux, ensuite. Et c'est bien pour son émission qu'il animait avec Frédéric Rossif La vie des animaux qu'il était connu. Mais en 1949, Claude Darget ne présentait pas encore cette mythique émission. Et c'était bien pour la radio, la chaîne nationale, qu'il se déplaçait sur le marché en question et nous faisait entendre et presque voir, oui, voir tout à fait, les acheteurs et les achetés. Bon, ben on peut partir, hein. Certains de nos auditeurs se sont étonnés et même émus que le marché des chiens et des chats qui était autorisé, ou tout au moins qui était toléré au marché de la cité, au marché aux fleurs et au marché aux oiseaux, ait été supprimé. Et ils se sont demandé quel sort était réservé maintenant aux petits chiens et aux petits chats que l'on vendait là-bas. Et ils se sont même demandé s'ils ne risquaient pas de prendre le chemin de la fourrière. Eh bien, à ceci, il y a eu une réponse d'abord officielle, puisqu'elle émanait du bulletin municipal, qui disait que si le marché aux chats et aux chiens était interdit dans les endroits précités, il pouvait avoir lieu, il avait même lieu, tous les dimanches de 14h à 16h, rue Brancion. Rue Brancion, vous le savez, c'est là où il y avait l'ancien marché aux chevaux, et comme il y a à Paris de moins en moins de chevaux, on les remplace, si j'ose dire, par les chiens et les chats. Inutile de vous dire d'ailleurs que ça tient beaucoup moins de place si ça fait un tout petit peu plus de bruit. En tout cas, aujourd'hui, par ce dimanche caniculaire et assez vide à Paris, nous sommes venus voir ce qu'il pouvait y avoir de chats et de chiens dans ce marché aux chats et aux chiens de la rue Brancion. Eh bien, nous ne vous étonnerons pas en vous disant que nous y avons vu des chiens de toute race et quelques chats, mais que la race canine semble dominer. Alors, eh bien, nous allons, si vous le voulez bien, interroger les uns et les autres et leur demander ce qu'ils viennent faire ici. Enfin, les chiens, bien entendu, mais les gens qui viennent, soit pour en acheter, soit pour en vendre. Et comme il y a là-bas un animal qui paraît un petit peu méchant, nous allons demander à son maître, c'est d'ailleurs... Pourquoi est-ce que ce chien a l'air de ne pas être content? C'est à vous, monsieur? Oui, monsieur. Bon, alors vous venez vendre des chiens, vous, ici? Oui, monsieur. Le dimanche? Oui, le dimanche. Bon, qu'est-ce que ça vaut, un animal comme ça? 40 000 francs. Bon, et qu'est-ce que c'est exactement? Parce que moi, vous savez... C'est un mouton royal. C'est un mouton royal. Bon, et c'est le seul chien que vous avez à vendre? Ah non, j'en ai un autre aussi. Un autre, le petit fox, là? Oui, c'est un fox, bon. Un fox terrier. Et alors, ça vaut combien aujourd'hui, un fox terrier? Un fox terrier comme ça, 5 000. 5 000. Est-ce que c'est indiscret de vous demander pourquoi vous vendez ces animaux? Parce que je suis marchand de chiens. Ah, vous êtes marchand de chiens, vous, oui. C'est votre métier. C'est pas mon métier, moi, oui. J'en fais l'élevage. Vous faites l'élevage des chiens et vous les vendez. Eh bien, écoutez, oui. C'est une très bonne chose. Ça va, le commerce des... Bah, en ce moment, c'est les vacances, ça oui. Marche pas très bien. On en a acheté plutôt avant de partir en vacances, surtout des beaux comme ça, pour pouvoir les montrer sur les plages. Hein. Surtout, c'est une belle chienne, ça. Oui, celle-ci me paraît assez jolie. Mais enfin, comme nous n'avons pas la télévision pour l'instant, il est difficile de la montrer à nos auditeurs. Mademoiselle, vous êtes charmante. C'est un premier point. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Bah, je viens voir les chiens. Vous venez les voir pour en acheter, non? Non, non, pas pour en acheter. Pas pour en acheter, simplement pour les voir. Plus tard, oui. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Alors, vous avez trouvé quelque chose à votre goût? Ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux. Eh bien, écoutez, c'est une affaire de goût. Moi, je veux bien. Madame, puis-je vous demander le nom de cet animal? C'est un griffon bruxellois. Un griffon bruxellois, c'est-à-dire que... Que je vends avec ses papiers d'origine. Ah, ben, c'est parfait. C'est parfait. Ça a quel âge? Elle a 4 mois. 4 mois, c'est pas méchant ça, non? Absolument gentil, c'est et un alors, petit c'est... chien de luxe rapide. Oui, c'est... Il lèche le doigt, il est mignon comme tout. Ce petit animal qui peut peser dans les... combien? Une livre et demie, deux livres? Une livre et demie. Une livre et demie, oui. Ça vaut combien? Sans être... C'est pas, je lâcherai pas, vous 4 savez. 4 000. Ça vaut 4 000 francs. Et ça veut sucer le micro, même mon vieux. Attends un petit peu. Ah bah oui. Et là, c'est au moins une langue beaucoup plus grande. Voyons, je voudrais trouver quelques chats, mais depuis que nous avons commencé... à faire ce petit reportage, nous sommes entourés. Et les chats, mon Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait un monsieur tout à l'heure qui avait un chat sur l'épaule. Ah, le monsieur au chat. Ah, ben, il est là, bien sûr. Eh bien, monsieur, c'est pas vous qui m'amusez, c'est votre chat, parce qu'il a l'air étonné. Vous n'êtes pas marchand de chats, vous, non? Non, c'est ma femme qui m'a envoyé pour vendre mon chat. Ah, c'est ça. Elle vous a envoyé pour vendre un chat le dimanche. Oui, le dimanche. Eh ben, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qu'elle veut de ce chat? 100 francs. Une centaine de francs, oui, évidemment, c'est pas cher. C'est raisonnable. Mais ça me paraît être un animal à poil long, ça. C'est un angora. Ah, c'est un angora ou un persan? Non, c'est un angora. C'est un petit angora, ça. Voilà, voilà. Ben évidemment, pour lui faire faire de l'alpinisme, c'est assez délicat. Le monsieur qui le vend est obligé de prendre toutes les positions pour que cet animal puisse grimper ou descendre le long de son bras. Alors évidemment, ça fait faire de la gymnastique à tout le monde. Voyons, nous allons nous diriger maintenant vers un autre endroit. Où voici également quelques animaux qui, eux, sont attachés aux crochets qui servaient dans le temps au chaud. Ah, voici le marchand. Bien, ah, ce oui. sont trois espèces bien différentes. Ah oui, il y a un beau caniche royal là. Là-bas, un épagnol breton. Un épagnol breton ici et le petit. Un bigle, bon. Billarié. Ils sont tous bien gentils. Ah, tous bien gentils. Comme oui. le patron, vous êtes marchand de chien ou vous venez Oui, je m'en occupe, m'en occupe. Vous occupez de chiens. Un amateur de chiens, oui. C'est ça. Oui. En somme, ici, toutes les personnes oui. que nous oui. avons rencontrées oui. et qui vendent des chiens ne sont pas exactement oui. marchands oh. de chiens. Ils oh. s'occupent de chiens, oui, comme oui. certains oui. s'occupent de timbres-poste. Il y a plus de marchands que de clients. Il y a plus de marchands que de clients. Oui, oui, oui. Ou alors ils les volent pour rien. Ils veulent pas les payer cher. Ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est la l'éternel... saison est pas bonne. C'est l'éternelle loi de l'offre et de la demande. Ah oui, oui, oui. Et une grosse bête comme ça, noire, ça vaut... Oh, ce royal, il a 15 mois, je le vends 10 000. Vous le vendez 10 000. Je suis pas gourmand. Ben, j'en ai vu un plus petit pour 40 000 tout à l'heure, bon, en effet. Mais je le vends 10 000, moi. C'est oui. un cadeau. Je pense bien. C'est alors, un beau royal. C'est un cadeau. Venez donc voir ça dimanche prochain. Oui, tenez, ce caniche, il a 14 mois. Bon. Eh bien, monsieur, je vous remercie. Et mais parfaitement, madame, de beaux persans bleus, où sont-ils? Les chats persans bleus, bien peu montrés. Allez, voilà, on va nous montrer maintenant des chats persans bleus. Mais ils sont loin, dites-moi, ces persans bleus. Non, ils sont là, ils arrivent. Ah, voici des chats persans bleus dans un magnifique panier d'osier. Eh bien, la première chose que je vous dirais, mes chers auditeurs, c'est qu'ils sont gris. Enfin, peut-être, est-ce que... Pardon ? Gris-bleu. Gris-bleu, oui. Attendez, je vais enlever mes lunettes parce que... Mais personnellement, je les vois gris, mais enfin, c'est le véritable orange. Petit chat cigarette. Oui, alors, ce sont, c'est le frère et la sœur ? Non. Pas, oui, c'est frère et sœur. Des jumeaux. Et, oui, c'est ça. Ils ont été primés avec Ruby Mouni. Ah, parfait. Et c'est à vous, ça, madame. Oui, monsieur. Bon, alors, vous vendez ça combien ? 5 000 francs. Les deux ou la pièce ? La pièce. Ah, la pièce. Bon, eh bien écoutez, mes chers auditeurs, vous vous rendez compte un tout petit peu par les prix qui ont été donnés à droite et à gauche de ce que peut valoir aujourd'hui un chat ou un chien. J'aime autant vous dire qu'il y en a certainement qui sont beaucoup moins chers. En tout cas, quand vous aurez une petite heure à passer et que vous serez dans le 15e arrondissement, eh bien venez voir rue Brancion, à cet ancien marché aux chevaux. Venez voir ce nouveau marché aux chiens et aux chats. Vous verrez qu'il est relativement animé. Et aux chevaux également, il y a... Pardon, avant de partir, je... Alors, quand est-ce que vous allez venir voir le marché aux chevaux? Ah non, mais le marché aux chevaux a lieu quand et où? Le lundi, mercredi et vendredi. Alors, lundi, mercredi et vendredi, ici même. Ici. Marché aux chevaux, il y a encore des chevaux à Paris? Oh, il y a encore 800 ou 900 chevaux tous les marchés. Oh, parfait, ça. Alors, lundi, mercredi et vendredi, marché aux chevaux rue Brancion, et puis alors dimanche, marché aux chiens et aux chats. Voilà. Et les autres jours, eh bien, les autres jours, on peut aller au marché aux oiseaux. C'est très curieux de venir voir le marché aux chevaux. Bon. Eh bien, sur ce... Mes chers auditeurs, nous vous disons au revoir et nous vous conseillons de venir vous amuser rue Brancion. Though her words are simple and few, listen, listen, she's calling to you. Feed the birds, tuppence a bag. Tuppence, tuppence, tuppence a bag. Ce reportage, signé Claude Darget, a été diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale le 22 août 1949. She's calling to you.